me dis ça va pas m'arriver. Je pensais que l'équipe de départ serait la même à l'arrivée. Je n'ai ni le temps ni l'envie d'essayer de positiver. Tu m'as trahi juste une fois, c'est mort, tu vas récidiver. Ne m'appelle plus mon frère, ne m'appelle plus tout court. Mon cœur est devenu sourd, il sait lire sur les lèvres. Moi je t'aimais comme un frère, mais tu me l'as mis à l'envers. Tes excuses, j'en ai rien à foutre, à toi de lire sur mes lèvres. Pas te revoir, non, j'ai déjà donné.